Les mémoires secrets des contemporains sont suspects de partialité. Ceux qui écrivent, une ou deux générations après, doivent user de la plus grande circonspection, écarter le frivole, réduire à l'exagéré et combattre la satire. Louis XIV mit dans sa cour, comme dans son règne, tant d'éclat et de magnificence que les moindres détails de sa vie semblent intéresser la postérité, ainsi qu'ils étaient l'objet de la curiosité de toutes les cours de l'Europe et de tous les contemporains. La splendeur de son gouvernement s'est répandue sur ses moindres actions. On est plus avide, surtout en France, de savoir les particularités de sa cour que les révolutions de quelques autres États. Tel est l'effet de la grande réputation. On aime mieux apprendre ce qui se passait dans le cabinet et dans la cour d'Auguste que le détail des conquêtes d'Attila ou de Tamerlan.